Bonjour et bienvenue à cette édition du 22 mars 2015 de l'émission Les Oreilles Ailleurs. C'est une émission qui va être entièrement algérienne cette semaine. Et tous les artistes que vous allez entendre, sauf une à la fin, sont nés en Algérie, mais ne vivent plus en Algérie. On comprend que ça n'a pas été nécessairement facile de vivre, de demeurer dans ce pays. Je raconterai ça tout au long de l'émission. En passant, beau bonjour à Laurent qui nous écoute depuis la Bretagne. Où que vous soyez, à Québec, ailleurs au Québec, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, en Europe, peut-être en Algérie même, je me fais plaisir de vous présenter cette émission qui va débuter avec Guana Diffusion. Guana Diffusion, c'est un retour en fait depuis déjà 3 ans quand même, mais c'est un groupe qui avait cessé complètement de se produire en 2007 et qui a décidé de reprendre en 2008, de reprendre donc la route. Guana Diffusion, c'est beaucoup Amazigh Kateb qui a lui-même fait un album en solo en 2009 qui s'appelle Marché Noir et qui continue de se produire à l'occasion en solo. D'ailleurs, il y a certaines des pièces qu'il garde pour Guana Diffusion et d'autres qu'il garde plutôt pour sa carrière solo. Entre autres, les textes où il parle de son père. Son père était écrivain. Comme il le dit, je peux pas donner les textes de mon père ou les textes où je parle de mon père. Je peux pas donner ça à Guana Diffusion. Je garde ça pour moi. Mais là, c'est Guana Diffusion qu'on va écouter. On va les écouter dans une chanson qui s'appelle Timimoum Timbuktu. On les écoute. C'est tiré en passant de Audio Globin. C'est un album qui avait été paru en 2012 pour souligner les 20 ans de Guana Diffusion. Thank you. Timbuktu, c'est de Guana Diffusion. Guana Diffusion qui est venu. Les habitués des Nuits d'Afrique à Montréal ont fort probablement vu ce groupe au moins en 2012. En tout cas, ça c'est certain. On poursuit avec Hamid Baroudi. Hamid Baroudi, c'est quelqu'un d'assez fascinant. Il a débuté assez tôt dans la musique, adolescent en Algérie, et puis il est parti, il a quitté, il a voyagé un peu partout à travers le monde, il a été musicien de rue. Il s'est rendu à Liverpool parce qu'il était fanatique des Beatles, il se disait « c'est là qu'il faut que j'aille ». Puis finalement, il a décidé d'aller plutôt en Allemagne, d'aller à Kasser étudier le dessin animé. Mais il s'est découragé parce que c'est quand même très, très long. Vous imaginez, à l'époque, la technique pour faire des dessins animés, c'était très long. Alors, il a plutôt étudié la vidéo, ce qui lui a permis d'être à la fois interprète, auteur, compositeur, interprète de ses propres chansons, mais aussi producteur de ses propres clips. On va écouter une chanson qu'il a rendue célèbre en 1991. C'était à l'occasion de... On se rappellera, les plus vieux d'entre nous se rappelleront, 91, c'est les Américains Bush le père qui envahissent l'Irak. Et lui, il a fait une chanson qui s'intitulait « Caravan to Baghdad ». On écoute ça. C'est la version qu'on écoute. C'est une version qui est dans un album plus récent, l'album de 2004, « City to Mad ». La chanson s'intitule « Caravan to Baghdad ». Caravan to C'était Hamid Baroudi, Caravane to Baghdad. Hamid Baroudi qui a déclaré dans une entrevue en 2008, je vais le citer, « Le hasard a voulu que mon professeur Paul Bresson, c'est quand il étudiait à Kassar, un Canadien en Allemagne, un Canadien était celui qui avait fait le dessin animé de Yellow Submarine des Beatles. Il m'a dit, si tu veux percer, viendra un jour, le jour où la musique ne pourra plus se passer de l'image et vice-versa. » C'était en 2008, imaginez, il y a 7 ans de cela. Il avait aussi dit pendant la même entrevue, je vais vous confier une chose dont je suis fier, j'ai vendu mon appartement pour financer cet album. On m'a dit, Hamid, tu es fou? J'ai répondu que oui, j'étais fou quand j'ai fait Caravan to Baghdad. J'étais fou aussi quand j'ai réalisé Hamid Lakhdar, un autre de ses albums, Sidi. Et ça me permet de vous dire cette citation, à quel point c'est compliqué dans le monde arabe, c'est comme ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, si vous écoutez régulièrement l'émission, dès qu'on veut sortir des sentiers battus, c'est compliqué. Ici aussi, de toute façon, il faut oser, il faut risquer, il faut même y mettre de ses propres sous, en sachant pas trop si ça va nous mener quelque part. C'est comme ça, dès qu'on sort des sentiers battus, c'est compliqué. Et j'essaie autant que possible, d'ailleurs, pas toujours, mais autant que possible, de vous présenter des artistes qui sont sortis des sentiers battus. Le prochain, c'est, est-ce qu'il a vraiment besoin de présentation? C'est La Baisse. La Baisse, c'est un groupe de musique montréalais, et c'est surtout Nejim Bouizoui. Qui est le compositeur des chansons, il est auteur, compositeur, interprète. Il dit lui-même que son héritage vient de son père qui était musicien en Algérie. Il a commencé à jouer la guitare avec son père. À 16 ans, il jouait dans un groupe là-bas, Fiesta Day. Il a essayé de se lancer en Algérie, ça n'a pas fonctionné. Il est parti à Montréal et là, il s'est mis à jouer dans le métro de Montréal. Finalement, il a réussi à percer. Là, on va écouter une de ses belle chanson, Béchar El-Kir, la chanson composée par Nejim Bouizoui, mais c'est une chanson de La Baisse. I'm gonna make you mine. C'était la basse Béchar Elkir. Je vais terminer cette première demi-heure de l'émission par une chanteuse que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis certaine que vous allez l'aimer aussi. C'est Souad Massé, qui est issue d'une famille de mélomanes kabyles. Elle a commencé à faire de la musique dans les années, fin des années 80. Elle était dans un groupe qui s'appelait Trianas. Et puis, à cause des événements assez noirs, assez difficiles qui se sont passés en Algérie, on le sait, dans les années 90, le couvre-feu aussi, tout ça a rendu sa carrière d'artiste quasiment impossible. Donc, elle a décidé d'étudier l'urbanisme, de devenir ingénieure. Mais elle est allée à Alger pour étudier. Et là, elle s'est produite sur scène avec un groupe de hard rock qui s'appelait Atacor. Le groupe a enregistré une cassette qui a rencontré un grand succès là-bas. Alors, elle a abandonné l'urbanisme pour se consacrer à la chanson pour notre plus grand plaisir. On va écouter d'elle une chanson qui s'appelle « Enta Uzarek ». C'est tiré de l'album « O Huria ». واش حبيتو نحكي لكم يا خاوتي كل ما نحبط البلاد انا يحبسوا لي راسي المره الاخرى عندهم ما داروا لي قالوا لي ما كاين والو يا حبسي جيت قاري انت وزهرك كاش ما تشري انت وزهرك تشري دواء واللي غدوة ولا غير غير غير غير غدوة We'll

soit le don pré-radioton de 20 $ et plus, soit la carte de membre de 25 $ ou même les deux, on peut faire les deux, n'est-ce pas? Si vous posez votre geste de soutien avant le 27 mars à 17h, vous allez courir la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership, dont les détails sont à venir. Les tirages ont lieu le 27 mars à 17h. Tous les membres actifs à cette date sont éligibles au prix de membership. Comment faire? Donc, pas seulement ceux qui vont s'inscrire d'ici là, tous ceux qui sont déjà membres présentement. Comment faire? Bien, passez au 405 3e avenue entre 9h et 17h30. Venez nous voir la semaine, du lundi au vendredi. C'est toujours agréable de vous voir. Sinon, si c'est impossible pour vous, bien, vous pouvez passer par le service sécurisé PayPal sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Vous regardez l'onglet « Faire un don » et l'onglet « Devenir membre » dans la colonne de droite et vous pouvez faire l'un ou l'autre ou les deux. Soyez à l'écoute les 27, 28 et 29 mars prochains pour notre Radioton. Et d'ici là, soyez généreux. Merci beaucoup à l'avance et je vous souhaite un bon à l'avance, aussi un bon Radioton 2015. Le prochain artiste qu'on va entendre s'appelle Aïd Chalal. Tout comme Souad Massi, il est de Kabylie. Il est poète, chanteur. Il est né à Guyotteville. C'est une petite ville à 16 km à peine d'Alger. Il a commencé à jouer de la guitare en 75 pour le loisir, parce que c'était la mode à l'époque. Il a quand même enregistré une première cassette en 86, une autre en 89. Son problème, c'est que la première cassette a été saisie par les services de sécurité à cause de la chanson, d'une chanson qui n'était pas très gentille envers l'armée algérienne, il faut dire. Il a dû éventuellement quitter carrément l'Algérie parce qu'il y avait beaucoup trop de difficultés avec les autorités algériennes. On va l'écouter dans une chanson qui s'appelle Taklit. Ça, c'est tiré de l'album Aïd Yeran Franza. Ensuite, on va écouter une chanteuse algérienne qui est aussi une artiste, grande artiste en Algérie, mais qui n'est plus en Algérie elle non plus. Je ne crois pas que ce soit à cause des problèmes avec les autorités algériennes, quoique il y a des choses qu'elle dit dans ses chansons qui sont vraiment aussi très critiques de ce qui se passe en Algérie. C'est Biyona. On va l'écouter dans deux chansons. La première, c'est Red Zone, tiré de l'album Red Zone. Le deuxième, c'est El Gafel, c'est tiré de l'album qui s'appelle Blonde dans la Casbah. Mais on écoute d'abord Aïd Chalal, Taklit. دي نارين زاوت رارتي جوعات دلعنايا تمغيط بزور نبصار ثاموس نغد الشحنا دي نارين زاوت رارتي جوعات دلعنايا هاويني جبت نمرات بخفي ساتن ذي البنكا دي ناي الطقس السرار مغفي قرن غيث فرام أتاشريف أتاشريف ويخدم غث قبيلي ثمذويض خدم في الناس وينفى غث قبيلي ثمذويض لزيرك وذيلس هذا شريف هذا شريف ويخدم غث قبيلي ثمذويض خدم في الناس وينقر غث قبيلي ثوالي الأرزق فرنايس هذا شريف هذا شريف وينزل غث قبيلي ثوالي العمر تصغز فاس وينزل غث قبيلي ثوالي العمر تصغز فاس هذا شريف هذا شريف وينفى غث قبيلي ثمذوي ظل تيرك وذيلس وينفى غث قبيلي ثمذوي ظل تيرك وذيلس هذا شريف هذا شريف ويخدم غث قبيلي ثمذوي خدم في الناس وينفى غث قبيلي ثمذوي ظل تيرك وذيلس هذا شريف Hey! et de moi. Pourquoi je suis venu en 3 jours à Paris? Pourquoi je suis venu en 3 jours à Dadinafroya? Je suis venu en 3 jours que pour vous embrasser. اروح ينغفل نعطيك عقلية ولا شفت قلت نعمت عينية ولا سمعت قلت درجت ودنية غير شد لسانك ما تجيك بليا ولا بغت النار حتى يتقدي غير تخطي راسي نبقى سالمة قرات دي الدنيا نعرف حدودي ما نهدر في الناس ما تلومني ليما الله الله الله عباد الله كل واحد فينا مبني ببلاه الله الله الله عباد الله النامي محرم يا خوي وعلاه إلا حكاولي سر نخلي عندي نخبيه كل كنز نموت على الكلمة بنيت ساسي على سيرة جدودي فحلة حربية ودايما قايمة ندير الخير على حساب جهدي نوفي بوعدي قد ما نجمة نحمد ربي اللي عطاه لي في سعدي وعلى حتى حاجة ماني ندمة الله الله الله عباد الله كل واحد فينا مبلي ببلاه الله الله الله عباد الله النامي محرم يا خوي وعلاه بلاه. الله الله الله عباد الله النامي محرم يا خوتي وعلاه نتمنى يا الغافل فهمت مقصودي فهمت من الدنيا قيمة الكلمة بنيت ساسي على سيرة جدودي وعلى حتى حاجة ماني ندمة وعلى حتى حاجة ماني ندمة الله الله الله عباد الله كل واحد فينا مبلي ببلاه الله الله الله عباد الله النامي محرم يا خوتي وعلاه C'était Biyouna El Ghafel. Notre prochaine invitée est aussi algérienne. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce ne sont que des chanteurs et chanteuses d'origine algérienne, nées en Algérie, sauf la dernière, qui est plutôt d'origine française, mais je vous expliquerai tantôt. Notre prochaine invitée est arrivée en 1968 en France et je lis ce qu'il a découvert quand il est arrivé en France. Il a découvert l'hiver, les classes de transition et le racisme brut des enfants qui répètent ce qu'ils entendent chez eux. On a envie de dire qu'ils répètent bêtement ce qu'ils entendent chez eux. Il y avait toutes sortes de métiers jusqu'en 1981 où il est entré dans une usine. Il a rencontré Mohamed et Mokhtar, deux autres jeunes guitaristes et bassistes avec lesquels il va commencer à chanter. Peut-être que je vous ai déjà donné suffisamment d'indices. Sinon, bien, je vous dis qui c'est Rachid Taha. Il n'y a pas vraiment besoin de présentation. Au fond, on le connaît bien ici au Québec. Et on va l'écouter dans sa chanson Barabara. C'est cette magnifique chanson. C'est tiré d'un album qui s'appelle Best Of. On écoute Barabara de Rachid Taha. برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزت الحزن مبقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا اليدين هالكتورات برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا ما بقى خير لسعادة ولا زهر برا برا ما بقى السجرة سكتوا للطيور برا برا ما بقى ليلة نهار الترمى برا برا الجهنم ما بقى زين وسط الحرب دم تسيل برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف والناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفزت الحزن مبقى امان برا برا نشفوا الودان هلكوا الحوراب برا برا النجوم تفاضل كت الشمس برا برا برا برا برا برا ما حاصل مسعد C'était Rachid Taha dans la chanson Bara Bara. Et on termine avec la seule qui n'est pas née en Algérie parmi toutes ceux et celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Ses parents étaient algériens. Par contre, elle s'appelle Mamia. C'est une chanteuse, auteure, compositeur. Elle est née à Lille, dans le nord de la France, de parents algériens. C'est en adaptant des standards du jazz en arabe qu'elle a retrouvé ses racines. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous avais présenté des enfants de Cambodgiens qui ont fait aussi cette même démarche de retourner dans le passé de leurs propres parents ou grands-parents pour retrouver leurs racines, passé musical évidemment. On va l'écouter dans une chanson qui s'appelle Mahalish. C'est tiré d'un album qui s'appelle Jazz Arabe. Et ça va être tout pour cette semaine. C'est Topic du Capricorne qui suit avec Michel Bonaparte. Tout de suite après la pause publicitaire, mais évidemment, avant, on va écouter Mamia Chérif. Merci beaucoup d'être à l'écoute de CKRL et moi, je vous dis à la semaine prochaine. محليش نيتي محليش محليش نيتي كوني هانية محليش نيتي ما أحلي سأعود إلا وتاني من زمان وقت هنا وقت إن فتى قلبي إليك ليسترد ذكرياتي ما أحليش نيتي ما أحليش ما أحليش نيتي كوني هانية ما أحليش نيتي ما أحليش سأعود إلا وتاني تسألني ألا أحببت وجهها الحب انت كالورة في الجنان همام احيوني الناس ليتصل بجود